Ézéchiel chapitre 7. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Et toi, fils d'homme, écoute, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à la terre d'Israël, la faim vient sur les quatre coins de la terre. Maintenant la faim vient sur toi, et j'enverrai sur toi ma colère, et je te jugerai selon ta voix, et je mettrai sur toi toutes tes abominations. Et mon œil ne t'épargnera point. » Et je n'aurai point de compassion, mais je mettrai ta voix sur toi, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici un mal, un seul mal qui vient. La faim vient, elle se réveille contre toi, voici, le mal vient. Le matin vient sur toi qui demeure au pays, le temps vient, le jour est près de toi, il ne sera que frayeur, et non point une invitation des montagnes à s'entre-réjouir. Maintenant je répandrai bientôt ma fureur sur toi, et je consommerai ma colère sur toi, et je te jugerai selon ta voix, je mettrai sur toi toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera point, et je n'aurai point de compassion, je te punirai selon ta voix, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel qui frappe. Voici le jour, voici, il vient. Le matin paraît, la verge a fleuri, la fierté a jeté des boutons. La violence est crue en verge de méchanceté, il ne restera rien d'eux, ni de leur multitude, ni de leur tumulte, et on ne les lamentera point. Le temps vient, le jour est tout proche, que celui donc qui achète ne se réjouisse point, et que celui qui vend n'emmène point de deuil, car il y a une ardeur de colère sur toute la multitude de son pays. Car celui qui vend ne retournera point à ce qu'il aura vendu, quand il serait encore en vie, parce que la vision touchant toute la multitude de son pays ne sera point révoquée, et chacun portera la peine de son iniquité, tant qu'il vivra, ils ne reprendront jamais courage. Ils ont sonné la trompette, et ils ont tout préparé, mais il n'y a personne qui aille au combat, parce que l'ardeur de ma colère, est sur toute la multitude de son pays. L'épée est au dehors, et la mortalité et la famine sont au dedans, celui qui sera au champ, mourra par l'épée, et celui qui sera dans la ville, la famine et la mortalité le dévoreront. Et les réchappés d'entre eux s'enfuiront, et seront par les montagnes comme les pigeons des vallées, tout gémissant, chacun dans son iniquité. Toutes les mains deviendront lâches, et tous les genoux se fondront en eau. Ils se ceindront de sacs, et le tremblement les couvrira, la confusion sera sur tout leur visage, et leurs têtes deviendront chauves. Ils jetteront leur argent par les rues, et leur or s'en ira au loin, leur argent, ni leur or, ne les pourront pas délivrer au jour de la grande colère de l'Éternel, ils ne rassasieront point leurs âmes, et ne rempliront point leurs entrailles, parce que leur iniquité aura été leur ruine. Il avait mis entre eux la noblesse de son magnifique ornement, mais ils y ont placé des images de leurs abominations et de leurs infamies, c'est pourquoi je la leur ai exposée à être chassée au loin, et je l'ai livrée en pillage dans la main des étrangers, et en proie aux méchants de la terre, qui la profaneront. Je détournerai aussi ma face d'eux, et on violera mon lieu secret, et les saccageurs y entreront, et le profaneront. Fais une chaîne, car le pays est plein de crimes de meurtre, et la ville est pleine de violence. C'est pourquoi je ferai venir les plus méchants des nations, qui posséderont leur maison, et je ferai cesser l'orgueil des puissants, et leurs saints lieux seront profanés. La destruction vient, et ils chercheront la paix, mais il n'y en aura point. Malheur viendra sur malheur, et il y aura rumeur sur rumeur, ils demanderont la vision au prophète, la loi périra chez le sacrificateur, et le conseil chez les anciens. Le roi mènera deuil, les principaux se vêtiront de désolation, et les mains du peuple du pays tomberont de frayeur, je les traiterai selon leur voix, et je les jugerai selon qu'ils l'auront mérité, et ils sauront que je suis l'Éternel.